amoureux, le vélin dans l'autre se bécote. Je crâne que replonge dans les vagues reculées du passé. Quand les couples s'ennuient, se grisent, se givrent, je pense à nous, notre entente, amitié tolérante. Quand les passants me dévisagent, je m'ignore, je m'en fiche. Ramassis d'inconnus sur un mon histoire d'amour. Quand le monde autour de moi tourne plus vite que le vent, je ferme les yeux et la magie, je te vois comme avant. S'ils savaient comme j'attends nos retrouvailles, s'ils savaient comme j'y crois, je t'aime et tu me manques. Mais ils savent que tu me hantes, que tu m'écœures et me fatigues. Ils savent combien je rêve, combien je t'aime et te déteste. Quand les parents se déchirent, s'arrachent les petits frères, je m'attends derrière l'illusion perdue du bonheur. Quand les enfants jouent au docteur, à papa, maman, je pleure un peu trop déçu pour m'attendrir. S'ils savaient comme j'attends nos retrouvailles, s'ils savaient comme j'y crois, je t'aime et tu me manques. Mais ils savent que tu me hantes, que tu m'écœures et me fatigues. Ils savent combien je rêve, combien je t'aime et te déteste. Quand le grand, le beau, le très fort, le prince charmant te fait la cour, je ris, je pleure, je coule. Quand tu dis redis, promets, retirez même pire, je fais comme si, je fais comme si. S'ils savaient comme j'attends nos retrouvailles, s'ils savaient comme j'y crois, je t'aime et tu me manques. Mais ils savent que tu me hantes, que tu m'écœures et me fatigues. Ils savent combien je rêve, combien je t'aime et te déteste.